Promu dagadi fuwe. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu. Aleluya. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu we. Suganda ni mwangu. Romu takatifu. Suganda ni mwangu. Romu takatifu we. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu. Aleluya. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu we. Suganda ni mwangu. Romu takatifu. Suganda ni mwangu. Romu takatifu we. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu. Aleluya. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu we. Suganda ni mwangu. Romu takatifu. Suganda ni mwangu. Romu takatifu we. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu. Aleluya. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu we. Suganda ni mwangu. Wanafunzi wa Yesu. Walijazwa na Roho. Aleluya. Walipona magonjwa. Aleluya. Walijazwa kwa lugha. Aleluya. Si hapa Mungu. Aleluya. Tunakuita Baba. Aleluya. Utujaze Baba. Aleluya. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu. Aleluya. Suganda ni mwangu yawe. Romu takatifu we. Suganda ni mwangu. qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs. David nous dit dans Psaume 34, le premier verset, il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur des Seigneurs? Bien-aimé, moi je vais continuer à louer mon Seigneur. Moi, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est le deuxième dimanche de 2026. Donc c'est un sujet encore de louange pour mon Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant qu'on est en train de nous entonner un très bon chant? Alléluia. Pour bien louer encore le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Jésus. Yes. Même si les mondes autour de moi s'écroulent, et même si au bout de mon parcours, je le vois peu d'une tour et puis c'est court, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi, je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oui, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. Aïe, aïe, aïe. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront. Papa, les chants d'oiseaux s'élèveront vers même toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Aïe, aïe, aïe. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Yes. Détata moi mon lolo pour na Yesu. Si le ciel les donnait plus de pluie, et même si dans mon corps je ne voyais plus, mais l'arbre de mon jardin on va se fouiller, ils feront croire que tu es Dieu. Tes promesses, et même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps, yes. Je sais qu'il ne dépendra jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront. Papa, les chants d'oiseaux s'élèveront. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront. Chilon, les chants d'oiseaux s'élèveront. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oui, le temps peut s'arrêter. Les étoiles tombées du ciel. Aïe, aïe, aïe. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Papa, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Je vais gérer, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Je vais chamar, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Papa, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Papa, Yosalinzame, Osana Sukate. Yosalinzame, Osana Sukate. Yosalinzame, Yobongwa Nakate. Yosalinzame, Osana Sukate.

D'adoration. Que cette acclamation-là, élève le nom de Dieu. Que cette acclamation-là proclame la grandeur de Dieu. Que cette acclamation-là le fasse asseoir sur son trône. Que cette acclamation-là le suscite de là où il est. Que cette acclamation l'élève encore plus haut. Que cette acclamation, le bénisse. Alléluia. Nous voulons adorer notre Seigneur. Prenons la position qui nous convient. Pour mieux l'adorer, pour mieux l'élever, car il n'y a que lui que nous pouvons adorer, car il n'y a que lui qui mérite notre adoration, car il n'y a que lui qui mérite notre élévation. Il n'est comparable à personne, il n'a point de maître. Il est celui qui est maître des temps. Il est celui qui est maître des circonstances. Toutes les circonstances lui appartiennent. Bonnes ou mauvaises. Il est le Dieu qui prédestine nos vies. Il est celui qui nous dirige. Il est celui qui me protège. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour adorer ce Dieu merveilleux? Pour adorer ce Dieu qui nous a gardé jusqu'ici. Adonai, nous voici devant toi ce matin. Alléluia. Pour relever celui qui est assis sous le trône. Pour relever celui il est qui est de notre la puissance de la gloire. Il est digne de cette Dieu, adoration. Nous voici devant toi, Seigneur, ce matin. Fais mon adoration. Te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ta présence. Ta présence est magnifique et merveilleuse, Seigneur. Tu es le Dieu qui visite son peuple. Tu es le Dieu qui fait grâce. Fais-nous grâce ce matin. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous bénissons ton amour pour nous. Sois béni, sois élevé. Toi qui nous aimes d'un amour inconditionnel. Tout passera sur la terre, mais toi, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton amour. Oh, yes. C'est pourquoi nous saluons ta présence ce matin. Alléluia. Merci, papa. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Naweza kuikala. Salut celui qui est à côté de toi. Sasa salimia na kwa pembeni yako. Dis-lui bonjour, que Dieu te bénisse. Mwambie yambo nduku, Mungu akubariki. Ça fait plusieurs jours. Masiku inakuya nyingi. Nous démarrons l'année ensemble. Bonjour frère Norbert. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours merveilleux de démarrer l'année ensemble. C'est merveilleux de voir une nouvelle année. Oh, quand une année change, une autre commence. Je comprends dans la vie que tout est changeable. Alléluia. Amen. Tout est changeable. Même ta situation de détresse aujourd'hui est changeable aussi. Même ta maladie peut être changée. Frères et sœurs, que ceux qui sont debout fassent attention de ne pas tomber. Et ceux qui sont déjà tombés comprennent qu'ils peuvent être debout aussi un jour. Alléluia. Amen. Bien aimé, faisons confiance au Seigneur. Parfois nous nous posons beaucoup de questions. Faisons confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 11. Daniel, nous commençons du verset 29 au verset 32. On est en train de monter au fur et à mesure. Verset 29. À une époque fixée. Je lis en français, comme ça on gère le temps. Il marchera de nouveau contre le midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Ce n'est pas toutes les fois que les choses se passent de la même façon. Amen. Amen. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On nous a dit à un temps fixé. À une époque marquée, il y a un roi qui s'est élevé. Il s'est élevé pour combattre ceux qui gardaient l'alliance sainte. Il y a certains combats de la vie qui ne commencent, excusez-moi le terme, qu'à une époque donnée. Pourquoi? Parce qu'il a ciblé l'alliance sainte. Donc il y a des combats qui sont destinés aux enfants de Dieu à un moment donné dans leur vie. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il y a des combats que tu auras dans ta vie. Parce qu'en toi, il y a une lumière. Quand nous lisons l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la lumière. La lumière de Dieu. Cette lumière a brillé dans les ténèbres. Et quand les ténèbres, le monde ne l'a pas reçu, il s'est révélé à d'autres personnes. La plupart des combats arrivent dans la vie à un moment donné, surtout ces derniers temps, les temps de la fin, destinés contre les enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les combats viennent vers toi. Vita, inakufuata. J'allais dire contre toi, non, j'ai dit, les combats viennent vers toi. Vita hii, inakufuata, inakuelekea. Parce que c'est toi qui es la solution à ces combats. Sababu, nous avons jibu, kwa ile vita. Alléluia. Amen. Parfois nous nous posons beaucoup de questions. Mara mingi tunajiuliza maulizo mbalimbali. Pourquoi ça m'arrive dans la famille? Kwa nini mchamale kwa nifikia kwa wakati? Pourquoi ça m'arrive dans la vie? Kwa nini nifikia mu maisha? Ça ne peut pas aller ailleurs. Haiwezi kwenda mbali zaidi. Il n'y aura pas de solution. Kule hakutakuya jibu. Dieu les amène vers toi. Mungu anaileta kwako. Parce que c'est toi qui es la solution. Sababu ni wewe ndiwe jibu. Ephésiens 3 nous dit, il faut que les dominations, Ephésiens 3 nasema fadhali mautawala, les autorités, watu wakubwa, connaissent par l'église jouwe kupitia kanisa la sagesse infiniment variée de Dieu. Et qui m'a bila mwisho ya mahaina kwa chana ya Mungu. Donc, il faut que le monde connaisse par toi. Afadhali basi dunia ijue kupitia wewe. Combien Dieu est grand. Namna gani huyu Mungu ni mkubwa. Mais pour qu'il connaisse combien Dieu est grand. Ili bajue ukubwa wake Mungu. Il faut que certains problèmes. Afadhali mambo mengine fulani. Vienne vers toi. Ifike kwako. Alléluia. Amen. Donc à un temps fixé. Kwa nyakati yenye kuenea. En fait, dans ce livre de Daniel, le chapitre 11, il s'agit des combats des rois. Il y a le roi de Septentrion qui est très puissant et qui déclenche une guerre. On reviendra, je pense, qu'au courant de l'année. Pour parler des choses qui viennent du septentrion, donc des choses qui viennent de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Chaque coin de la terre a des choses qui libèrent. Et c'est comme ça que même dans le livre d'Ézéchiel, le prophète dit, esprit souffle de quatre vents. Parce qu'il y a des choses qui viennent des quatre vents. Kuko vitu na toko upande wote ine ya upepo. Et il faut les connaître. Sherti kuweza kuyafahamia. Alors ce roi, il était très puissant. Oui, mfalme alikuwa na nguvu kabisa. Mais à un moment donné, il a été renversé par un autre roi plus puissant que lui. Wakati mwe fulani aliangushwa kwa mfalme mwingine wa nguvu kumshindia yake. Et ce roi là a mené plusieurs combats. Ulimfalme alikombana mavita mbalimbali. À un moment donné, il a constaté qu'il ne pouvait plus avancer. Wakati fulani aliona kama alishinda kusonga tena mbele. Et il est parti s'attaquer aux gens qui ont abandonné l'alliance de Dieu. Alienda kushambulia wale watu baliacha agano ya Mungu. C'est comme ça qu'on a dit, il était furieux contre les gens qui ont abandonné l'alliance. Ndio maana balisema alikasirika kabisa kungambo ya watu bale baliweza kuacha agano ya Mungu. Quand l'ennemi échoue partout. Wakati adui anashinda pahali pote. Il rentre dans l'église. Sasa ndio anaingia mkanisa. Il vient dans l'église. Anakuja mkanisa. Et ces derniers temps, na inyakati ya mwisho, nous avons l'impression que l'ennemi est entré dans l'église. Tunaona kama huyu adui anaingia paka na mkanisa. Pour chercher les gens qui ont oublié l'alliance de Dieu. Ili atafute wale bana hacha agano yake Mungu. Parce que l'alliance reste une couverture. Sababu agano inabakia kama kifuniko. Et c'est pourquoi la Bible nous dit au verset 32. Ndio maana Biblia inatuambia ku sura yake Shaili ya 32. Il les a séduits par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Atavuta kupitia wadanganifu. Donc il y a eu l'esprit de séduction. Kulikuwa ali ya kuvuta. Ce n'est pas notre thème de ce matin, ile mais ile je suis en train d'introduire et d'expliquer. Tukunaingisha mafasirio na kiingilio tena. Il les a séduits par des flatteries. Watu waliweza kuvutwa kupitia wadanganifu. C'est que ce n'était pas des choses vraies. Maneno yalikuwa bitu ya kweli. Mais c'était des flatteries, des choses qui étaient présentées en faveur, alors qu'en réalité ces choses ne leur étaient pas favorables. Wadanganifu walikuwa kufanya vitu lakini bila kufanya vitu katika ukweli. Il y a beaucoup de choses qui nous séduisent sur la terre. Kuko vitu kadhalika vinatuvuta hapa pa dunia. Qui ne sont pas en réalité les choses qui nous conviennent. Hakika haina vitu ya kweli inatuelekea. Et malheureusement, ces derniers temps, na kwa ole basi kwa masiku ya nyuma, les enfants de Dieu nous sommes entraînés par ces choses-là. Watoto ya Mungu tunabebwa kabisa na ile maneno. Bien aimé, nous devons faire attention. Wapenda sheri tutikebe hange. Tout ce qui est sur la terre, yote kwa hapa chini ya dunia, n'est pas nécessairement bien. Aina tu bizuri kabisa. N'est pas d'ailleurs toujours bien. Aikalaki zaidi siku zote bizuri. Bien que nous vivons avec ces choses, ingawa tunaishi na maneno haya, nous devons faire attention. Na tukebe hange kabisa. De garder nos cœurs. Ya kuangalia mioyo yetu. La mode est bonne. La mode est bonne. Mais nous devons faire attention de gérer nos cœurs. La richesse, elle est bonne. Mais nous devons faire attention de gérer nos cœurs. De ne pas être séduit par ces choses. Les biens matériels, les véhicules, magari, le pouvoir, mamlaka, toutes ces choses sont bonnes. Yote mais il ne faudrait pas qu'elles séduisent nos cœurs. On dit qu'il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. C'est-à-dire quand on a trahi l'alliance de Dieu, wakati unavunja agano ya Mungu, on est une proie approprié pour la séduction. Unakuya mateka kamili kwa ajili ya kuvutwa. Bien aimé, je comprends que l'alliance. Wapendwa naamini kama nakusikia kama agano. L'église. Kanisa. Reste une protection dans la vie. Inabakia tu ni ukingo katika maisha. Alléluia. Amen. L'église reste une protection. Kanisa inabakia tu ni ukingo. L'alliance reste une protection. Agano nayo inabakia tena ni ukingo. Quel que soit le niveau que tu auras dans la vie, ingawa tu ile utapata maisha yako, reste accroché au Seigneur. Bakia mwenye kuambatana tu na Bwana. Parce que quand tu as trahi l'alliance de Dieu, wakati unakosea hii agano yake Mungu, tu deviens un candidat à la séduction. Unakuwa mtu sasa unaweza kuvutwa kwa haraka. Donc on va t'amener dans tous les détours, tous les chemins de séduction. Kupeleka manjia mbalimbali kabisa udanganifu. Vous allez voir quelqu'un qui a trahi l'alliance de Dieu. Tuna mtu aliharibisha agano ya Mungu. Il devient ivrogne. Anakuya mulevi kabisa. Il devient polygame. Anakuya na wabibi wengi. Il devient voleur. Anakuya mwizi tu. Il devient escroc. Anakuya mjambazi. Il devient. Anakuya na maaina mbali mbali. Pourquoi? Kwa ajili ya nini? Parce qu'il a trahi l'alliance de Dieu. Sababu alivunja agano ya Mungu. Alors toute la coalition de mauvaises choses va vers lui. Uharibifu yote mambo mabaya itamwelekea sasa. C'est pourquoi je t'encourage ce matin. Yo maana kutilia nguvu asubuhi ya leo. À garder l'alliance avec lui. Basi chunga agano ya Mungu. Alléluia. Amen. Et notre thème de l'année, nous dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Nous lisons la conjonction mais. Bien aimé, je continue à expliquer ce que je vais dire tantôt là. Quand la Bible nous dit que mais ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a eu des combats. Il y a eu des séductions. Il y a eu des flatteries. Mais il y a eu un reste de peuple qui n'est pas tombé dans le piège. Je note une première chose. Et nous devons retenir cela. La vie de l'homme est constituée souvent des situations qui s'opposent. La vie de l'homme est construit des situations qui s'opposent. Est construit des défis qu'il faut relever. Tu rencontreras toujours dans ta vie des situations opposées, contraire à ton chemin, contraire à la direction que tu prends. Et ces situations-là seront des défis que tu dois challenger. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là que plusieurs abandonnent. Au lieu de comprendre que ce sont des Je dois challenger ces situations dans ma vie. Ils trahissent l'alliance de leur Dieu. Il arrivera des moments où tu n'auras pas à manger. Challenge. Il arrivera des moments où tu vas pleurer. Tu n'as pas ce que tu veux dans la vie. C'est un défi à remporter. C'est un défi à remporter. Et la Bible nous dit, pour avancer, il faut agir. Pour avancer dans la vie, il faut agir. Mais pour agir, il faut libérer la puissance de la connaissance de Dieu que tu as. Je résume et je donne maintenant le thème. J'essaie de mettre le décor du travail de ce matin. Dans la vie, tu rencontreras des situations opposées à la direction que tu prendras. Cela ne signifie pas que tu vas échouer. Il a essayé comme tu as bichiné tout à peine. Cela ne signifie pas que tu dois faire comme tout le monde pour trahir l'alliance de Dieu. Ça signifie simplement que ce sont des défis, des choses qui challengent ta vie. Je ne suis pas tellement très d'accord quand je dis challenger et dis combattre sa maïsha yako. Je ne sais pas très bien le mot en swahili, mais c'est comme si ça éprouve ta vie, voilà. Ah, biko nakuya kupima maisha yako. Ibipimo. Ça t'éprouve. Biko nakupima. C'est à toi de comprendre ces choses. Ni wewe kuelewa maneno kama haya. Que maintenant. Sasa hivi. Un challenge c'est comme un examen, voilà. Inakuya kama. C'est une épreuve. Shindano. Ibipimo. Et quand ces choses arrivent. Na, kama maneno haya inafika, je ne dois pas baisser les bras. Shitaregesa mikono hapana. Je dois avancer. Sherti nisonge mbele. Mais pour avancer, na kwa kuweza kwenda mbele, je dois agir. Na paswa kutenda. Mais comment je vais agir? Tatenda namna gani? Si à moi je n'ai pas la connaissance de Dieu. Kama ndani yangu nakosea ufahamu wa Mungu. C'est là qu'il faut libérer. Ni pale sasa pafari kutosha. La connaissance de Dieu qu'on a. Ile ufahamu ya Mungu konayo. Et comment libérer la connaissance de Dieu? Namna kani kutosha ufahamu ya Mungu. Pour agir et avancer dans la vie. Kwa ajili ya kuweza kutenda na kuenda mbele mu maisha. Alors ce matin je voulais parler de deux choses. Asubuhi napenda kusungumzia vitu viwili. C'est pourquoi le sous-thème de ce matin. Ndio maana tena kishina ndogo ya asubuhi ya leo. Le Dieu qui donne la victoire sur des situations opposées dans notre vie. Huyu Mungu analeta ushindi kwa mambo inakuwa yenye kupizana mu maisha yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux balancer ta main avec moi? Mukono yako, pamoja nasi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki kabisa. Il y a un Dieu dans le ciel. Mungu yuko kule kumbingu. Qui donne la victoire. Kunaleta ushindi. Même sous les situations opposées dans notre vie. Atako kwa mambo mbalimbali kwa kipindupindu yako. C'est rare, c'est inexistant. Manake ayikala keko. Que quelqu'un n'ait pas des situations opposées dans sa vie. À un moment donné, fulani, ton corps va vieillir. Mwili yako itazeuka. À un moment donné, wakati ngine tena fulani, tes yeux n'auront pas la même vigueur. Mecho yako haitakuwa na nguvu ile ya zamani. À un moment donné, wakati moja fulani, tes moyens n'auront pas le même niveau. Yako, haitabakia matua moja. À un moment donné, wakati moja tena fulani, tu n'auras pas la même force. Hautakuwa na ile nguvu ulikuwa nayo tena. Tu courais comme un jeune garçon. Ulianza kukimbia kama kijana tu mshujaa. Mais c'est bien. Ni kiema kabisa. Dans les choses, il faut courir. Wakati fulani afadhali ukimbie. Mais à un moment donné, sasa wakati moja fulani, personne ne va te le dire. Hakuna mtu atakwambia. Toi-même, tu vas sentir que non, ma vitesse est réduite. Wewe peke utaitika utasikia kama mbio yangu inapungukiwa. Mais c'est ça la vie. Injo maisha. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Napenda kusema kuna mtu mwasubu ya leo. Nous avons un Dieu. Tuna na Mungu mmoja. Qui nous donne la victoire. Yeye tupatie ushindi. Même quand les situations deviennent opposées dans notre vie. Hata kama mambo yanakuja kinyume yetu. Alléluia. Amen. Il n'est pas Dieu seulement quand nous sommes dans nos zones de confort. Aina anakuwa Mungu wakati tunaikaa paka mahali yetu mzuri kabisa. Quand je mange bien, wakati nakula vizuri, quand je dors bien, wakati nalala vizuri, il y aura un temps. Utakuwa wakati ngine fulani. Pour manger ça sera difficile. Kwa kupata chakula itakuwa kigumu tu kabisa. Pas parce que tu n'as pas de moyens. Haina sababu unakosewa manamuna. J'ai rencontré quelqu'un. Nikutana na mtu mmoja. L'année passée à Cape Town. Mwaka ilipita kungambia Cape Town. On devait manger. Il n'est pas choix kula. Et on a commencé à parler de ces choses. Tulianza kusungumzia maneno haya. Je mange. Ninakula. Je mets le sel. Naongeza kuna tunchuvi. Je mange. Naanza kula. Et puis il me regarde. Tumeona nyangalia. Il me dit ne mets pas le sel. Asa usiweke chuvi. Moi aussi. Na mimi vile. Lui aussi. Na yeye pia. J'étais comme toi. Ilikuwa kama wewe. Mais à un moment donné. Asa wakati moja fulani. Ce n'est pas que je n'ai pas l'argent. Ele kusema kia nakosewa na fedha. Mais je dois manger ce qui n'a pas de sel. Mina paswa kula chakula ile ina na chuvi. Je dois manger ce qui n'a pas de sucre. Na paswa kula vitu bila kukosewa sukari. Je dois faire attention à la lotion que je mets. Na paswa keba ange kwa mafuta na ipakala. Tu utilises quel savon? Unatumia sabuni ya namna gani? Moi, c'est le savon qui tombe dans ma main que j'utilise. Ile sabuni tu mimi napata ndio ninatumia. Alléluia. Amen. Celui qui tombe dans ma main, je l'utilise. Il est tout mis à pata, mais il est tout mis à. Il me dit non. À un moment donné dans la vie, wakati fulani mu maisha, il y a des contraintes qui viennent. Unakuwa vikwazo bitafika. Il y a des choses. Kuko vitu qui s'opposeront dans la vie. Bitashindana mu maisha yako. Alors ici nous allons prendre l'exemple de quelqu'un. Hapa tutumia mfano ya mtu mmoja. Pour voir comment il a vaincu ses oppositions. One namna kanya aliweza kushinda maupizani yote. Parce que nous avons un Dieu qui nous donne la victoire quand les choses deviennent opposables. Et j'aimerais ce matin que tu suives vraiment cet exemple. Parce que la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Esther chapitre 4. Esther sura yake ya ine. J'aurais souhaité lire tout le chapitre 4, mais je vais prendre des morceaux. Esther chapitre 4. Esther sura yake ya ine. Je prends le verset 7 et puis je prends le verset 10. Shailia saba na yakumi. Et puis je vais continuer. Esther chapitre 4, verset 7. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Alléluia. Amen. Quel coup de tonnerre qui a brisé le cœur d'Esther. Ni mambo yanamara kani liweza kuvunja moyo wa Esther. À peine qu'elle devient reine. Kisha tu kuwa malkia. Elle vit bien. Ekoneishi vizuri. Elle manque de rien. Akosewe na kitu. On lui dit. Anapata habari. Mardoché, ton oncle est à la porte avec un sac. Mujomba yako Mordekayo pa mlango mwenye kuvala saka. Imaginez-vous. Muone kwanza. Il y a quelques mois, elle devient reine. Elle a remplacé une reine. Sûrement que c'est dit. À peine que je le deviens, l'oncle veut qu'on me remplace. Elle était dans la zone de confort. Mais il y a une situation qui vient. Sasa, hali moya inamufikia. Oh bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin. Pendo anasema na mtu moya asubuhi ya leo. Il y a une situation inattendue qui arrive dans ta vie. Hali moya ya mshutusi inafika maisha yako. Sache qu'il y a un Dieu qui existe. Yua kama kuna na Mungu moja eko wako. Alléluia. Amen. Alors, elle dit, mais allez d'abord demander à Mardoché qu'est-ce qui se passe. Anasema kwanza mumuulize Mordekayo ni nini inapitikana kule. Alors elle envoie un de ses serviteurs attaque. Anatuma mtumishi wake moja kule. Qui s'appelait attaque. Jina yake ilikuwa ni attaque. C'était un nom prophétique. Ni jina ya unabii. Elle envoie son serviteur. Anatuma yule mtumishi wake. Le serviteur rencontre Mardoché. Mtumishi anakutana na Mordekayo. Et c'est là qu'on a lu le verset 7. Mardoché va lui raconter tout ce qui était arrivé. Pourquoi ça lui est arrivé? Mardoché n'a pas voulu trahir l'alliance de Dieu. C'est un livre où le nom de Dieu n'est pas cité. Ikitabu jina ya Mungu abataye mule ndani. Le livre d'Esther. Ikitabu ya Esther. Mais on parle de Dieu. Abasungumzie kuhusu Mungu. Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman. Mordekayo alisema kama kuinama mbele ya Amani. Et Aman a dit à cause de ça. Aman alisema kwa ajili ya hiyo. Non seulement Mardoché. Haina tu peke yake Mordekayo. Mais tout le peuple de Mardoché. Basi banduku yake yote ya Mordekayo. Devra être exterminé. Bali paswa kuwawa. Ah, je comprends une chose. Il y a des grâces dans la famille, dans un peuple qui viendront par une personne. Il y a aussi des malheurs qui viendront par une personne. Et je prie ce matin, sois la personne par laquelle la grâce va arriver dans la famille. Alléluia. Amen. Mardochée refuse de se prosterner. Aman va voir le roi. Il dit au roi, je vais te faire une proposition. Dans ce pays, il y a un peuple qui dérange. Alors si tu extermines ce peuple, je vais verser beaucoup d'argent dans le trésor. Et étant donné que le roi avait la confiance, Mardochée avait la confiance, plutôt Aman avait la confiance du roi, le roi lui a dit, pas de problème. Alors il s'est rassuré de faire les choses comme ça devait se faire. Il dit que le roi alors fasse des lettres qu'on va envoyer dans toutes les provinces. C'était le plus grand empire. Il partait de l'Iran, Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie, et il prenait tout le Moyen-Orient. Actuel, hein, je parle, quand je cite ces pays, c'est le Moyen-Orient actuel. Et il arrivait même jusqu'en Afrique. Il contrôlait la Méditerranée. L'Empire Perse. Les Perses et les Mèdes. Il contrôlait tous les navires. Alors il dit au roi, fait des lettres et envoie partout avec la signature du roi pour que ça soit irrévocable. Et le roi a fait cela. Quand Mardochée apprend la nouvelle, il dit non, nous n'avons personne pour parler pour nous auprès du roi. C'est interpellateur. Dans ce monde, le système de ce monde est conçu tel que si tu as un problème, que tu trouves au moins quelqu'un qui te connaît dans la cour du roi. C'est comme ça le système. Si tu as des problèmes avec le frère Norbert, que tu trouves dans son entourage quelqu'un qui peut parler pour toi. Mardochée réfléchit. Il dit, mais nous avons Esther. Allons voir Esther. Je rentre à Esther. Comment Esther est devenue reine? Esther est devenue reine. Quand on devait choisir les reines, c'est Mardochée qui lui a dit ce qu'il fallait faire pour devenir reine. Mais quand elle devient reine, c'est Esther qui a la clé de la solution pour Mardochée. Il y a Mordecai. Hier, Jana, c'était Mardochée. Il quoi ni zamu ya Mordecai. Il avait la clé. Hier, il quoi na fungulo. Pour Esther. Quoi dire Esther? Aujourd'hui, si kuzaleo. C'est Esther. Ni zamu ya Esther. Il a la clé. Hier, il quoi na fungulo. pour la vie de Mardoché. Ça nous enseigne beaucoup de choses dans la vie. Et ici, j'aimerais que les enfants de Dieu nous soient sages. Vous savez, le Saint-Esprit, il y a un esprit de sagesse. C'est un esprit de sagesse. Ce n'est pas seulement pour parler en langue. C'est un esprit de sagesse. Il y a un d'intelligence, de force, de paix. Donc quand tu as le Saint-Esprit, ces choses doivent te caractériser. La sagesse, l'intelligence. Oh, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas être intelligent. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre de nouvelles choses. Akili ni kimo ya kuweza kuelewa mambo mapya. Je n'ai pas dit la capacité de résoudre les mathématiques. Chisema kama ni kimo ya kuweza kutengeneza mahesabu mbalimbali, hapana. Hier, Mardoché avait la clé pour la vie d'Esther. Jana ile Mordekai ndiye alikuwa anafungulo juu ujima ya Esther. Hier, quelqu'un d'autre avait la clé de ta vie. Jana ile mtu mwingine alikuwa anafungulo ya maisha yako. Mais il arrivera un temps. Sasa itafika wakati moye. Aujourd'hui, kwa siku za leo, Dieu te donne aussi la clé. Mungu naenda kupatia fungulo. Pour la vie de l'autre. Kwa ajili ya maisha ya ule mwingine. Faisons attention aux gens qui nous entourent, aux gens que nous gardons à la maison, aux gens, à nos amis, à nos collègues, aux gens que nous rencontrons dans le parcours. Parce que le parcours change. La clé que tu avais hier pour moi, demain, c'est moi qui peux avoir cette clé pour toi. Alléluia. Amen. Même tes enfants. Hier, c'est toi qui donnais de la nourriture à tes enfants. N'est-ce pas? Les mamans donnaient même la bouillie. Les papas ont donné la bouillie. On mettait les couches aux enfants. Il peut arriver un temps. Ce sont tes enfants qui vont te nourrir. C'est un cycle. Soyons sages. Et si tu comprends ces choses, tu auras un autre comportement à toutes les personnes qui seront autour de toi. Ayons de la sagesse dans la vie. Même le plus petit. Vous savez, il y a une histoire terrible. En Syrie, il y avait un grand général, Naman. Il avait gardé une petite fille. On l'a payé. On lui donnait de la nourriture. Mais à un moment donné, la vie, ce n'était plus la vie de la petite fille qu'il fallait garder, mais la vie de Naman dépendait de cette petite fille. Alléluia. Amen. Esther a envoyé les gens chez Mardoché. Esther a retourné bantu kwa Mordekai. Mardoché n'avait pas d'autre solution dans la vie. Esther. Alors, je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Et je vais lire peut-être je lis en français. On va regarder. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort. Pas changement. Aïna mabadiri kwa pan. Portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et regardez la dernière phrase. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'est-à-dire, ce qui m'attend maintenant que je m'implique dans ça, c'est la mort. Ce qui m'attend, c'est la mort. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, on a rapporté les paroles à Mardoché. C'est Mardoché qui avait fait que Esther soit dans la cour. Mardoché lui avait dit la leçon qu'il fallait utiliser, comment il fallait marcher, comment il fallait se comporter. C'était en ce moment-là. Mais maintenant, c'est à Esther de sauver Mardoché. Esther n'a pas su aider Mordecai. Mardoché fit répondre à Esther : ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Ah. Je m'arrête d'abord ici. Dans la vie, il faut comprendre. Dieu est un Dieu des temps. Daniel chapitre 2, verset 21. On nous dit, il change les temps et les circonstances. Si tu ne sais pas discerner le temps de Dieu, tu passeras à côté de la destinée de ta vie. Tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Le temps que Dieu te donne de passer dans une famille. Le temps que Dieu te donne de passer à la source féconde. Le temps que Dieu te donne de passer sur la terre. Bien-aimé, ne passe pas ton temps pour rien. Mardoché dit à Esther. Qui sait ni nani anajua si ce n'est pour un temps comme celui-ci. Kama haina kwa ajili ya wakati kama hii. Que tu es parvenu à la royauté. Joko maana ulikuwa kule jume mfalme. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci. Nani anajua kama ni kwa wakati kama hii. Que Dieu t'a donné l'argent. Ile Mungu alikupatia fedha ile uko nayo. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci? Nani anajua kama ni kwa wakati kama hii? Que Dieu t'a conservé la vie. Ile Mungu alikuchungia bujima bwako. Rappelle-toi du passé. Mbuka kwanza wakati ilipita. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci? Nani anajua kama ni kwa wakati kama hiyo? Que Dieu t'a donné ces enfants-là. Mungu alikupatia bale batoto. Quand Esther a entendu ces paroles, wakati Esther alisikia misemo hii, quelque chose s'est passé dans la tête d'Esther. Oh, mambo moyo ilipitikana mukichwa yake. Oh, j'aime cette femme. Basi napenda huyu mwanamke. J'aime Esther. Nampenda Esther kabisa. Frères et sœurs, duku na dad. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Esther. Kuko watu wengi majina yao ni wa Esther. Peut-être qu'ils ne comprennent pas très bien ce que ça signifie. Abelewa kabisa maana ya ile. Ou qui ne font pas comme Esther. Quand elle a entendu ces choses, sa vie a changé. Son cœur a été sonné. Moyo wake ilibumbwa kabisa. Ilikonga. Elle était sonnée dans sa vie. Alikongwa kabisa katika maisha yake. Quand elle a entendu ces choses, kisha kusikia maneno haya, elle s'est dit, Je dois agir. Je dois agir. Je dois agir. Face à deux situations qui s'opposent à elle. Mbele ya mambo mbili naleta upizani mbele yake. La première situation. Mambo ya kwanza. Il y a des lettres du roi. Kuko vibarua ya mfalme. Qui sont irrévocables. Ile haiwezi kuondoleshwa kama nakamata mpango haiwezi kuondoleshwa. Mais je dois les révoquer. Ninapaswa kwenda kumuona tu. La loi dit que c'est irrévocable. Sheria inasema hakuna mtu anaweza kuibisha. Mais moi, je dois les révoquer. Mimi apasuali niondoshe. Oh, j'aime le Seigneur. Nampenda Bwana kabisa. La loi déclarait des choses. Sheria ilisema vitu moyo fulani. Mais Esther dit c'est possible. Esther anasema inawezekana tena. De les révoquer. Uweze kuiondosha. Tout ce que l'homme a déclaré irrévocable. Ni yote mtu alisema hivi kwa la loi du diable a déclaré irrévocable. Ce matin, je te dis. Asubuhi leo mimi nakwambia. C'est possible. Inawezekana. De révoquer cela. Uweze kuiondosha. C'est possible. Inawezekana. Premier défi. Mambo ya kwanza. Kipimo ya kwanza. Deuxième défi. Kipimo ya pili. On me remet toujours le verset là. Baturuche shaili moya moya ile. Deuxième défi. Kipimo ya pili. Esther a dit. Esther alisema. Ça fait 30 jours. Kuna kwa kadiri ya masiku makumi tatu. Que le roi ne m'a pas appelé. Ule mfalme akunialika. Et on ne peut pas aller voir le roi s'il ne t'appelle pas. Donc maintenant, le roi ne m'a pas appelé. Mais moi là, je dois m'amener chez le roi. Mais il y a une loi qui dit que quelqu'un qu'on va trouver dans la cour sans être appelé, on ne peut pas seulement la chasser. C'est la mort. Donc en fait, elle était face à deux types de morts. Rester, tout le monde meurt. Avancer, elle va mourir. Tu choisis quoi? Si je reste, toute ma famille meurt. Jamala yangu yote itafariki. Mais peut-être moi, maringine mimi, comme reine, kama je peux être sauvé. Naweza kuepusha kile kifo. Parce que le roi m'aime. Sababu mfalme ananipenda. Si j'avance, sasa nikienda tena mbele, moi je peux mourir. Mimi naweza kufariki. Mais ma famille, sasa jamala yangu yote épargnée. Itaishi. Tu choisis quoi? Pale unachagua nini katikati ya mambo mbili? C'est ça la vie. Injo maisha. Il y a des gens nana watu wengine qui préfèrent ne pas bouger. Atasema jitatenka. Non non, au moins je me sauve. Hivi tu nichunge kubushima yangu. Ma famille peut mourir. Jamala yangu yo yende kwa baba. Je vais refaire la famille. Nitaanza tena upya ujamaa. Bien aimé, ne sois pas lâche. Ndugu yangu shukuye mtu wa vile wa uso mbili, hapana. Lâche. Ok, ok. Ne sois pas traître. Voilà. Ne sois pas lâche. Alors Esther a dit. Esther anasema. Elle s'est rappelée maintenant. Sasa njo anakumbuka. De Dieu que ses parents lui avaient enseigné. Ya ule Mungu wa bazazi yake baliweza kumfundisha. Elle s'est rappelée en ce moment-là. Alikumbuka sasa kwa ile nyakati. De Dieu ou du Dieu qu'elle connaissait. Ya ule Mungu aliyekumjua vizuri kabisa. Et la suite des versets que nous allons lire. Na. Ima ndiko fatayo tunaweza kusoma. Vous allez comprendre. Mutaelewa vizuri. Que Esther connaissait son Dieu. Ya kama Esther huyu alimjua Mungu wake. N'était pas seulement reine. Akukuya tu malikia bure. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Que ta position dans la vie. Hali yako mu maisha. ne t'amène pas à oublier Dieu. Je vous peleke mohali kumsabu Mungu. Il arrivera des situations dans la vie. Et tafika mahali ngine mu maisha où il n'y a que ceux qui connaissent Dieu. Il y a kuna ta mmoja na mjua Mungu qui peuvent tenir. Ule anaweza kusimama. Dieu t'amènera pour entrer dans ta destinée. Mungu atakusukuma ili ufike mukifikio yako. Kwa un moment donné. Kwa nyakati moja fulani. Il n'y a que la connaissance de Dieu qui te fera avancer. Mpaka tu fahamu ya Mungu ndio itakusukuma mbele. Frère, ndugu yangu. Ma sœur, dada yangu. À un moment donné dans la vie. Wakati moja fulani ya maisha. Il n'y a que la connaissance de Dieu. Mpaka tu fahamu yake Mungu. Qui te fera avancer. Il est à couper kumbele. Ce n'est ni une voiture. Aina toi ta magari. Ni un homme. Wala mutu. Ni la position. Wala hali yake. Ni l'argent. Wala hela. Ni la beauté. Wala uzuri. Esther était choisie comme la plus belle fille du royaume. Esther alichaguliwa kama mwanamke mzuri kabisa wa ile ufalme. Mais à ce moment-là. Sasa kwa ile nyakati. On n'avait plus besoin de la beauté. Buzuri hakukua na mahana tena pale. Pour avancer. Kwa kuweza kusonga mbele. Il fallait quelqu'un qui connaît Dieu. Basi ule mtu anamjua Mungu. Elle était reine. Yeri kwa biwa mfalme. À ce moment-là. Sasa kwa ile wakati. On n'avait plus besoin d'une reine normale. Hakuhitajia malkia wake pale. On n'avait plus besoin d'une reine normale. Hakuhitajia malkia wa kawaida. On avait besoin d'une reine. Alitajia malkia ule. Qui connaît Dieu. Ule alijua Mungu. Frères et sœurs. Basi ndugu na dada. 2026. A besoin des gens qui connaissent Dieu. Alitajia wale bantu wanamjua Mungu. Ta vie. Maisha ya. A besoin que tu connaisses Dieu. Nitajia basi umjue Mungu. Les choses ne sont plus normales. Vitu havina tena mahali kikawaida. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Sur la terre maintenant. Pa dunia hapa sasa. Les choses ne sont plus normales. Vitu havina mahali kikawaida. Les forts mangent les faibles. Bale ba nguvu beko na vunja bale ba kidogo. C'est ça la vérité. Injo ukweli tu. Les forts mangent les faibles. Bale ba nguvu beko na angusha ba kidogo. Le diable c'est quoi fort? Shetani ni jioni kama ni wa nguvu kabisa. Et il pense qu'il peut dominer tout le monde. Anazani kama anaweza kutawala bantu yote. Les puissances des ténèbres. Ile ba uwezo ya ulimwengu ya giza. Mais on a plus besoin des gens normaux. Abetaje tena bantu bahali kikawaida. On a besoin des gens. Banitaje watu pour avancer. Ili basonge mbele. Il faut connaître Dieu. Afadhali kwanza kumjua Mungu. Mettez-moi le verset 11. Je continue avec la suite. Esther a dit des choses. Esther a Mardoché. Il dit, toute personne connaît la loi. Que dans ce royaume, si on te retrouve dans la cour du roi sans invitation, c'est la mort. Ah, ni kifo na kubamba. Et moi ça fait 30 jours. Mimi ni kwa kadiri ya masiku makumi tatu. 30 jours. Masiku makumi tatu. Que le roi ili mfalme ne m'a pas appelé. Hakuniita. Mais elle était reine. Alikuwa yeye alikuwa paka bibi yake. Alikuwa bibi wa mfalme. Il y a certaines choses que nous disons parce que nous ne vivons pas dans ces situations-là. Et il y a un adage en swahili. Kunakuya misemo moya mkiswahili nasema. Je ne sais plus très bien, je pense qu'il va bien m'aider à le dire en swahili. Pour savoir qu'une maison sainte, il faut dormir là-dedans. Kwa kuyua kama nyumba kuna vuya, sherti uika lemo, ula lemo. Ula lemo mumvula. Ula lemo wakati ya mvula. Mais quand tu passes, kama ukuna pita tu inje, wow, quelle belle maison. Nashanga, nyumba mzuri kabisa. Mais quand tu y es pendant la saison de pluie, sasa wakati unekala ama wakati mvula unapika, tu réalises que donea kama tout le monde veut aller en Europe. Muntu yote anapenda kwenda kungambo ya Ulaya. N'est-ce pas? Aina vile? N'est-ce pas? Shibot. Kama tout le monde cherche des visas. Kila muntu anapenda apate ko visa. Non, il faut pas tout le temps mu Ulaya. Faut que mes enfants aillent en Europe. Il faut ndo mu Ulaya. Doivent partir en Europe. Oh, Dieu est terrible. Oui, Mungu ni wa ajabu. Nous, je me suis battu en prépo. Comme nous avions des années académiques civiles. C'est-à-dire que nos années académiques, quand on commençait l'université à Kinshasa, ce n'était pas 9 mois. Nos années académiques prenaient 15 mois, 18 mois. Il y avait tellement de grèves. On dépassait, on entrait, une année commence, on entre dans l'autre année. Et puis dans l'autre année, on ferme d'abord l'université. On nous évacue de l'université. Alors tout le monde cherchait à aller en Europe. Je me rappelle à un moment donné, on nous a dit que non, on va choisir des jeunes militaires pour les envoyer en Europe. Il faut être au camp Tchatch. Pour s'enregistrer. Et puis, nous sommes tous partis là. Si bote, tu rienda, mais ça, il est footing par tout parti. Ah, nous ont donné un footing vraiment. Tu dis kimbia mbio ya kwenda. Tu dis kala tout en se. Nous sommes dit en tout cas, non, vous partez. Parce que c'était comme ça. Je vis le bilikuyak. Tout le monde. Bantu yote. Mais demandez à ceux qui sont là-bas. Ça, ça me l'oublie. Balé pour ne kala kule. Ils vont vous dire qu'il y a des endroits. Ils vont vous dire, parce que souvent on regarde à la télévision, on pense que tout est comme à la télévision. Les lits sont bien, les véhicules sont bien, les gens mangent toujours dans Kisunankanya. Ce n'est pas ça. Haina ville. Donc Esther était reine. Esther yeye alikuwa malkia. Elle dit à Mardoché. Anamwambia Mordekai. Ça fait 30 jours. Ni kadiri ya masiku 13. Que le roi ne m'a pas appelé. Mfalme hakuniita. La plus belle fille de Suse. Mwanamke mzuri kabisa ngambu ya Suza. 30 jours. Masiku 13. Que le roi ne l'a pas appelé. Mfalme hakumuita. Ça, c'était des réalités de la cour. Il y a un jour, il y a un membre qui est en train de se faire un fall. Que personne ne connaissait. Mettez-moi maintenant le verset 12. Toujours chapitre 4, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché. Non, on a déjà lu le verset 13. Mettez le verset 14. Ok, verset 15. Esther envoya dire à Mardoché. Esther en tout m'a commandé Mordekai. Ça j'aime. La peine de maneno haya. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Oui, une mutu anamjua Mungu. Esther va dire à Mardoché. Esther n'a commandé Mordekai. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Kusalisha bayuda boto ngambu ya Suza. Et jeûnez pour moi. Na mufunge chakula kwa ajili yangu. Donc c'est quelqu'un qui connaît la puissance du jeûne. Anayua nguvu wala uwezo ya kufunga chakula. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Baka ile taifa ya inaweza kumjua Mungu. Agiront. Ni wao watatenda. Avec fermeté. Na hakika yote. Quand les moments deviennent difficiles dans la vie. Kama wakati ni kwa nguvu katika maisha. Il n'y a que ceux qui connaissent Dieu. Paka bale banamjua Mungu. Qui peuvent avancer. Ndio wanaweza kuendelea. Jeûner pour moi. Funge chakula kwa ajili yangu. Sans manger. Bila kula. Ni boire. Wala kunywa maji. Pendant 3 jours. Kadiri ya masiku 3. Ni la nuit. Wala usiku. Ni le jour. Wala mchana. Moi aussi. Nami pia. Wow. C'est une reine qui parle. Uyo kuna sema jo bibu wa mfalme. Moi aussi. Nami pia. Je jeûnerai de même avec mes servantes. Tafunga chakula pamoja na vijakazi wangu. Esther s'est rappelé. Esther anaweza kumbuka que les moments sont tellement difficiles. Kama wakati inakuwa ya hatari kabisa. Je me souviens nous les Juifs. Mimi nakumbuka kungambo yetu wa Yuda. Nous sommes les enfants de Dieu. Tuko batoto ya Mungu. Dieu est pour nous. Mungu eko kwa upande wetu. Dieu est pour nous. Dieu, il est pour nous. Mungu ni wakungambo yetu ni wetu. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 31. Dieu, si Dieu Roma, est pour nous. Kama Mungu ni upande wetu. Alléluia. Amen. Quand on dit qui sera contre nous, ce n'est pas un slogan. Esther s'est rappelé que non, je connais Dieu. Esther yari kumbwa kama mimi namjua Mungu. Comment Dieu agit? Namna kani ile Mungu eko natenda. Premièrement, kitu ya kwanza, par la prière. Kupitia maombi. Jeûner. Funga chakula. Pendant 3 jours. Kadiri ya masiku 3. Moi aussi. Nami pia. Je vais jeûner. Tafunga chakula. Pendant 3 jours. Kadiri ya masiku 3. Oh frères et sœurs. Basi ndugu na dada. Ce que tu connais de Dieu. Ile unajua kwa upande wa Mungu, c'est ce qui va t'amener à la victoire. Ndio itakufikisha kwa ushindi wako. Beaucoup de gens dans la vie. Watu wengi mu maisha rate certaines choses dans leur destinée. Mais qu'on a poussé vite tout pour qu'ils fiquent là. Parce qu'ils avancent sans la connaissance de Dieu. Sababu beko na enda mbele bila ufahamu ya Mungu. Ma prière ce matin. Na ombi yangu ya asubuhi ya leo. Et que tu connaisses réellement le Seigneur. Que tu grandisses dans la connaissance de Dieu. Komele katika ufahamu wa Mungu. La connaissance elle est progressive. Ufahamu iko ya kuendelea. Vas-y. Wende tu mbele. Continue. Songa mbele. Reste en prière. Bakia muhali ya maombi. Aujourd'hui tu ne le connaissais pas très bien. Leo haumujue vizuri mais kabisa. Demain tu le connaîtras mieux. Kesho utamjua vizuri kabisa. Esther a dit, allons prier. Esther alisema tuingie kwa maombi. Frères et sœurs. Nduko na dada. Il y a des moyens. Kuko manjia fulani. Que Dieu utilise pour libérer sa puissance. Ile Mungu anatumia ile atoshe. Yake. Il faut le connaître. Afazari kwanza kumujua. Esther avait la connaissance de Dieu. Esther yalikuwa na ufahamu wa Mungu. Il avait la connaissance de la puissance de Dieu dans des moments difficiles. Alikuwa na ufahamu ya uwezo ya Mungu wakati ya magumu. C'est pourquoi il a recouru à cette puissance. Bien-aimé, j'aimerais que tu recours à la puissance de Dieu que tu connais. On a dit connaître Dieu, c'est connaître les attributs de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Quels sont les attributs? Quel est le Dieu que tu connais? Uli ni Mungu haina gani unamjua? Quand les choses deviennent difficiles. Wakati bintu inakuwa vigumu. Dans la vie. Mu maisha. Il arrivera toujours à un moment donné les choses se bloqueront. Itafika wakati fulani mambo haiendeke tena. Les choses deviendront difficiles. Bintu inakuwa bia nguvu nguvu. Mais alakini. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de solution. Haina kusema utashinda kupata jibu. Ce défi là. Il est bipimo pour le relever. Kwa kuweza kuitambuka, il faut recourir à la connaissance de Dieu. Kwanza kimbilia kufahamu wake Mungu. Il dit allez jeûner. Asema mwende mfunge chakula. Moi aussi je vais jeûner avec mes serviteurs. Na mimi tafunga chakula na watumishi wangu. Pendant 3 jours. Kadiri ya siku 3. Sans manger. Bila kula ni boire. Na bila kunywa. De jour mchana comme de nuit. Wala usiku. Mardoshi a dit OK. Mordekai alikubali. Avant Mbele, c'était Mardoché qui disait à Esther ce qu'il fallait faire pour être reine. Esther nini ilipaswa kufanya. Mais maintenant, sasa hivi, c'est Esther qui dit à Mardoché. Esther anamwambia Mordekai. Ce qu'il faut faire pour être sauvé. Ili unapaswa kufanya ili tuokolewe. Oh frères et sœurs. Basi nduku na dada. Avant tu avais la clé. Mbele ni wewe ulikuwa na fungulo. Mais aujourd'hui, masiku za leo, c'est Esther qui a la clé. Esther ndio kuna fungulo. Et la vraie clé, na fungulo ya kweli, fungulo kamili, était liée à la connaissance de Dieu. Ilikuwa iliambatana tu na ufahamu wa Mungu. Je te supplie bien-aimé. Ninakusii kabisa nduku. Tout ce que tu peux avoir c'est bien. Bio tunaweza kuwa nabio ni vizuri kabisa. Mais il y aura des moments où les choses seront opposées. Dans ta direction. Kwa wakati fulani bitu itapizana mu mapito yako. Il faut recourir à la connaissance. Afadhali kukimbilia kufahamu wa Mungu. Quand ils ont prié. Wakati watu walianza kuomba. Esther a dit. Esther yalisema. Après trois jours. Kisha siku tatu. Je me leverai. Mintasimama. J'agirai. Nanta tenda. J'irai vers le roi. Mintaenda mbele ya mfalme. Si je dois mourir. Kama ni kufa tu basi. Si je dois périr. Kama tu ni kuwawa tu. Je périrai. Minta wawa tu. Je vais aller. Mintaenda. Malgré la loi. Ingawa sheria iko wako. Bien aimé. Nduko yangu. Elle ne pouvait pas risquer si elle n'avait pas la connaissance de Dieu. Akuweza kupita mwile asara kama akukua na ufahamu ya Mungu. La connaissance de Dieu est une puissance. Basi ufahamu wa Mungu inakuwa ni uwezo. Capable de te soutenir dans des moments difficiles. Nous, on doit arrêter ces choses. On voit dans les vieux temps là-bas, on ne brosse même pas dans la bouche. Pas ces choses-là. Non, toi tu m'as dit. Habille-toi normalement. Voilà, vizuri tu kabisa. Normalement. Voilà, tu mesures. Tout compte. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Mungweza kutumia tu mets njia yoyote. Le roi voit Esther venir. Fale manamona Esther yako nakuye. Les autres s'attendaient à ce qu'on l'arrête pour la tuer. Ah ben y'a pas quoi d'attendre, c'est matériel, t'as roussa, bambambe na babu. Le roi lui jette son sceptre. Fale manamutumia. Oh frères et sœurs, aujourd'hui là, Léo. Le roi va te jeter son sceptre. Il va te jeter son sceptre. Esther a tenu. Esther a dit, kamata kubakora. Et ce que j'aime, il n'a pas c'est la façon dont Dieu travaille. Quand Esther tient, wakati Esther est venue pour un autre dossier. Le roi commence à lui proposer d'autres dossiers. Frères et sœurs, quand tu connais Dieu, tu n'auras pas seulement un seul dossier à résoudre, mais les autres dossiers qui attendaient, que tu n'avais pas demandé, seront à ta disposition. Le roi lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié de mon royaume. Esther n'est pas partie pour demander la moitié du royaume. Mais le roi était disposé de diviser le royaume en deux. Donc pour qu'il y ait deux rois. Lui le roi et l'autre la reine le roi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est connaissez son Dieu. Frères et sœurs, quand tu connais ton Dieu et que tu entres en prière, passe à une autre étape. Agis avec fermeté. Beaucoup de gens prient, ne font rien dans leur vie. Ils n'agissent pas dans leur vie. Mais ils prient que Dieu arrête la famine. Non, agis. Tu dis à Dieu, malgré la pluie, je vais faire le chant. Malgré les difficultés, mes enfants vont aller à l'école. Malgré le froid, je me lèverai, j'irai travailler. La Bible dit, ceux qui s'aiment en pleurant, ils vont chanter quand ils auront les herbes. Bien aimé, Dieu, il faut mettre la parole en pratique. Quand Esther a fait cela, on a suspendu les autres dossiers et on a traité que les dossiers d'Esther. Aujourd'hui là, quelque chose peut se passer dans ta vie. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Les moments difficiles de la vie sont les moments où on voit les gens qui connaissent Dieu. Dieu permet qu'il y ait des moments difficiles pour connaître, ce sont les moments de sélection. La loi de la sélection naturelle qu'on a étudiée dans l'histoire. Sheria ya kuweza kuchagua tulifunza kwa historia. C'est une sélection spirituelle. Ni uchakuzi wa kiroho. Où les faibles vont disparaître. Ile bando bazaifu batapotea. Mais ceux qui connaissent Dieu. Bale wanamjua Mungu. Vont agir. Batatenda. Vous pouvez être tous apôtres. Tous pasteurs, prophètes, pastori, tous de la même famille, tous dans le bateau. Dans Matthieu chapitre 4 verset 28 quelque chose. Bien aimé, tous dans le bateau. Pierre il dit, Petro anasema, si c'est toi, kama tu ni wewe, ordonne unirusu, que je vienne vers toi. Nikuye mbele yako. Tous les 12 étaient là. Jean était là. Jacques était là. Même Judas était là avec sa caisse. Mais ce que Pierre a vécu, personne n'avait vécu ça. Jésus lui dit, c'est moi. Viens. Il n'a pas dit, non, je reste. Il a mis le pas. Il a marché sur l'eau. Frères et sœurs, il n'y a que Pierre. Ni pas qu'à tout Petro. C'est lui qui avait senti quand on marche sur les eaux. Il y a cette histoire que toi tu peux sentir et non les autres. Alléluia. Amen. quand tu vas agir, wakati utatenda, il y a des choses que tu sentiras, kuko bintu il y a des choses que tu verras, il y a des choses que tu toucheras, bile utagusa, que personne d'autre n'aura expérimenté ça. Mutu mwingine yebalo kugusa ile. Pierre a marché sur l'eau. Petro alitembea juu ya bahari. Même si on a dit non, après la commencé à s'enfoncer, il n'y a pas de problème. Atapo kama kuingia, bana ina. Il a marché. Kizuri alitembea pamoja. Atapo kama mwisho tunanguka. Il n'y a pas de problème. Même en pleine automne. Même si l'eau il pouvait aussi tomber. Alitembea pamoja. Il a marché sur les eaux. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Paka ile taifa na moyo wa Mungu. Agiront. Njo batatenda. Agiront. Batatenda. Maintenant, nous allons prier. Tu n'as peine d'accomplir ça. Quels sont les moments difficiles que tu traverses? Wakati yako yamagumu kunaishi. C'est des moments où tu dois recourir à la connaissance que tu as. Wakati tunapaswa kukimbilia kufahamu ya Mungu. Et aujourd'hui, kama leo, nous avons un Dieu capable. Tuko na Mungu yuko mkimo. De nous aider à relever les défis de nos. Yakoweza kutusaidia kuondosha vipimo yote ya maisha. De nous aider à relever les challenges. Yakoweza kutusaidia kuondosha vipimo yote. Les challenges de nos vies. Vipimo yote ya maisha. Des épreuves, des choses que nous devons gagner. Bien, mais il y a certaines choses. Dès que tu les gagnes, tu as sauvé la vie. Ah, de plusieurs. De plusieurs. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Finis macho yako pale huko. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans les moments des oppositions, dans les moments des difficultés, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont garder l'alliance et vont vaincre. Na watapata ushindi. Vont vaincre. Wa watapata ushindi. Le problème est de ton côté, bien-aimé. Mambo iko kungambo yako. Dieu veut te voir agir. Mungu anapenda kuona uingie mutendo. Dieu veut te voir agir. Yeye anapenda kuona utende. Même après la prière de ce matin, agis. Fais un son. Fais un magasin. Fanya duka. Va étudier. Wende ujifunze. Va faire quelque chose. Fanya ko kitu moya fulani. Hallelujah. Le Dieu que tu sers. Uyu Mungu na ye mutumikia. Il a fait arrêter toutes les lettres, même la, celles qui étaient parties très loin. Alisimamisha mabarua yote baritumaka ta ilenda mbali kabisa. Frères et sœurs, je prie ce matin. Ukuna dada naomba asubuhi ya leo. Toutes les lettres que le diable a écrites contre toi. Mabarua yote le shetani alikuandikia. Quel que soit l'endroit où elles sont arrivées. Ingawa mafasi yote kule liweza kufika. Aujourd'hui là. Leo leo hivi. Par ta prière pitia maombi yako. Et ton action na tendo yako. Ça va s'arrêter. Itasimama tu. Aman pensait que les lettres, les dits du roi étaient irrévocables. Aman elizaria kama masheria mfalme apakuweza kuyangusha kuibadilisha. Mais la prière sasa malombi a révoqué les dits. Iliweza kubadilisha byote. Esther a dit, je vais m'avancer. Esther a sema, taenda mbele tu. Malgré la loi. Ingawa sheria ikwako. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Ah, Dieu fera des choses malgré. Mungu atafanya vitu ingawa tu. Malgré. Ingawa tu. Contre les gré. Ingawa tu bila kutaka. De certaines personnes. Ya kutaka kwa watu wengine. Contre les gré de l'ennemi. Bila kutaka kwa adui. Contre les gré du diable. Bila kutaka kwa shetani. Tu seras guéri. malgré leurs flèches, tes enfants prospéreront. Malgré qu'il y ait des sorciers dans la famille, tu auras la vie. Tu auras la vie. Oh, nous voulons prier. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu fort. Tout est changeable dans la vie. Tout est changeable. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Esther a connu le Dieu. Esther est le Dieu puissant. Le Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Oh, il est Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Quelles que soient les situations de ta vie, quelles que soient les situations de ta vie, il est Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Alléluia. Ce matin, toutes les oppositions s'élèvent comme des talents, comme des défis. Ce matin, sont renversés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma vie en sacrifice. Oh, il est puissant. Comme un parfum de mon nom. Il est puissant. Qui s'offre à chaque instant, à chaque. Il est puissant. Oh, il est puissant. Je te donne mes louanges. Il est rapporté à ma chance. Je remets à chaque instant. Rappelle-toi de grâce de Dieu. Rappelle-toi des expériences de Dieu. Tant qu'il y aura la vie. Rappelle-toi des expériences de Dieu. Dans ses commentaires. Ce que Dieu a fait hier. Je peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire aujourd'hui. A ta fin, Yanaleo. Ce matin, qui sont devant les dilemmes dans leur vie. Rester sur place, c'est la mort. Avancer, c'est la mort. Il y a une bonne nouvelle ce matin. Parce que le Dieu que nous prions, il te demande d'avancer. Il sera avec toi. J'aime la phrase que Jésus avait dite aux femmes. Après la résurrection, il marchait avec ses disciples tout le temps. Mais quand il est ressuscité, il a dit aux femmes, allez dire à mes frères, je les précède en Galilée. Oh, ce matin, le Jésus ressuscité, il nous précède dans nos situations. Il nous précède là où nous devons aller. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Que le Seigneur Jésus-Christ te précède là où tu vas mettre tes pas. Avant que tu ne poses ton pas, que Jésus pose son pas le premier. Avant que tu n'entres dans une maison, que Jésus entre le premier. Avant que tu entres dans un mariage, dans un business, bien-aimé, que le Seigneur te précède. Il a précédé Esther. Esther n'est pas morte. Et la vie de plusieurs a été sauvée. Tu es appelé à sauver la vie de plusieurs. Le Dieu que tu connais, il est celui qui sauve la vie de plusieurs. Tu vas prier le Seigneur. Que Dieu te précède maintenant. Partout dans ta vie. Élève-toi. Va commencer à prier. Commence à prier. Il y en a qui vont se lever pour aller à l'école. Seigneur, précède-les. Il y en a qui vont se lever pour aller au travail. Précède-les. Oh Jésus. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Que t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Je t'aime. Mon âme te dit que t'aime. C'est toi que mon cœur. Mais j'aimerais prier pour deux choses. La première, c'est pour ta santé. Il y a des gens qui sont là ce matin, mais dans leur corps, c'est une autre loi qui les empêche d'avancer. Nous allons prier. Que Dieu te guérisse. Que tu connaisses que ce Dieu est capable de guérir. Bien-aimé, Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de guérir. Tu vas prier que Dieu te guérisse. Même s'il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille, c'est possible par ta prière qu'il reçoive la guérison. C'était possible par Esther. Esther, de sauver la famille. Donc toi aussi par ta prière, c'est possible de sauver quelqu'un. Nous allons prier. Élève ta voix. Commence à prier. Et moi je vais prier à la fin pour toi. Commence à prier. Le Dieu que nous servons, il guérit les malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu que je sais guérit les malades. Tu as dit, tu es le Dieu qui nous guérit. Il n'y aura pas de malades parmi vous. Guéris. Lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie ce matin. Je connais que tu es le Dieu qui guérit les malades. Je connais que la maladie nous fait passer par des moments difficiles. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont présents. Même ceux qui sont absents. Même celui-là qui nous suit de loin. Il croit dans le Dieu que je prêche. Le Dieu que je connais. Le Dieu qui guérit les malades. Quand Israël était frappé d'hémorroïdes. Quand Israël mourait par les serpents brûlants. Tu as élevé les yeux vers toi. Oh merci Seigneur. Je prie. Maintenant pour tout celui qui est malade. Pour celui qui a un malade dans sa famille. Un malade autour de lui. Ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Qui reçoive la guérison au nom de Jésus. Le Dieu des guérisons. Oui, Mungu wa matunzo. Le Dieu des guérisons. Oui, Mungu wa matunzo. Le Dieu des guérisons. Oui, Mungu wa matunzo. Je prie maintenant. Omba sasa hivi. Manifeste-toi. Onekana sasa. Dans la vie de chacun. Umaisha kila mmoja wetu. Dans la vie de quiconque est malade. Umaisha kila yote alikuwa mgonjwa. Manifeste-toi, Seigneur. Ujioneshe sasa Bwana. Merci Seigneur pour ta fidélité. Sante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Merci pour ta fidélité. Sante kwa ajili ya uaminifu wako. Merci Seigneur. Sante Bwana. Nous allons prier. Tutaomba tena pour que tes dossiers soient prioritaires. Ile makartasi yako wala madosie yako baibebe na bei. Malgré les lois des hommes. Ingawa mashiria ya watu. Que le Seigneur s'occupe de toi. Bwana shurulikie kwa ajili yako. Esther a dit j'irai voir le roi malgré la loi. Esther alisema nitaende kwa mfalme ingawa sheria iko kwako. Oh frères et sœurs. Basi ndugu na dada. Malgré les lois. Ingawa masheria iko kwako. Aujourd'hui. Leo leo. Ce que Dieu a prévu pour toi pour te sauver. Mungu alitayarisha kwa ajili yako na ili uokolewe. Que ça se réalise maintenant. Timizike sasa hivi. Au nom de Jésus. Ni mchina la Yesu. Élève ta voix et prie le Seigneur. Basi sauti yako na tuombe tena. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Au nom de Jésus. Ce que tu as prévu Seigneur. Que cela puisse se réaliser. J'annule toutes les lois contraires dans la vie de tes enfants. Je prie pour eux. Le Dieu que je connais, il s'élève. Il s'élève le dernier pour annuler toutes les lois contraires dans la vie de ses enfants. Oh, ça se manifeste. Je le témoigne maintenant. Je le témoigne dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Pour sa fidélité dans la vie. Et dis Seigneur merci pour la connaissance. Que j'ai de toi et je vais avancer. Au nom de Jésus, élève ta voix. Et remercie le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Pendant que la chorale nous prépare un bon chant, prenez votre offrande, priez pour cette offrande et offrons avec joie selon la direction du protocole. Somo etana, butsue indaye, kemo na zambi, ebongi mokili, mokile lingi yeba, wapi kolo na bilembo, azande mosika zeo, azana motema nangaye, efona lokola mokolo lopango, ozo konzande ngyo lingi, samba kobete la milolo, ezayo mwana mpate, kuma makasi Yesu. Kumama yawe, elombe yo. Kumama. Yesu pesa, elombe yo. Elombe. Yo solo la kanaba nsete, oka kamino koya banyama. Zambo mo pepe zoto sa, ezayo kolona bilembo. Zambo yo salaka moi, eko makave ya kalate. Dala biloko ya mokili. Et comme à Kozonga Yakala, Kuma Makasi Yesu. Eh, Abota kobota na misa kate, mena mituni zamba bakombo, komo nino zo bengela ngai, mena na kombo na ngai, bona rejoindre kombo yango, kuma makasi Yesu. et nous disons Amen en acclamant au nom de Jésus. Amen, amen. Nous sommes arrivés au moment d'accueillir nos visiteurs. Si c'est votre première fois de venir prier avec nous à la source féconde, vous pouvez juste de là où vous êtes, lever votre main, nous allons vous accueillir dans la maison de notre Père. Il y a notre bien-aimé là derrière. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons vous accueillir dans la maison de Dieu. Nous pouvons maintenant bien l'accueillir à la source féconde, en l'encourageant et l'acclamer. Il y a un autre papa qui est aussi de l'autre côté. Source féconde, est-ce que nous pouvons accueillir nos bien-aimés? Merci. Cher papa, après culte, vous allez juste vous avancer au Kukumbele. Nous passons au communiqué et programme de l'église. Demain, lundi, à partir de 6h jusqu'à 7h, nous avons prière matinale de lundi jusqu'à vendredi. Ici chez nous à l'église, de 6h à 7h. Lundi, à partir de 16h30 jusqu'à 18h, il y a rencontre des secteurs. Et le secteur quartier, le secteur 40 maisons et Zout, ils vont se rencontrer chez papa Olivier Kiboué. Le secteur camp SNCC et USS, ils seront ici chez nous à l'église. Le secteur quartier mission 1, ils vont se rencontrer chez papa Eric. Le secteur quartier mission 2 et Chitourou, ils seront chez papa Jules Niembo. Mercredi, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, nous avons culte et prière ici chez nous à l'église. Jeudi 15h, les mamans ont leur rencontre ici à l'église à partir de 15h jusqu'à 17h. Vendredi, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, nous avons notre culte de jeûne et prière ici à l'église. Samedi, de 7h30 à 8h30, il y a intercession et 9h jusqu'à X temps, il y a évangélisation. Dimanche, nous avons notre culte de bonnes nouvelles qui commence avec l'intercession d'ensemble et de tous les serviteurs et servantes à partir de 8h juste jusqu'à 8h30. Et de 8h30 jusqu'à 11h, nous avons notre culte de bonnes nouvelles. Amen, amen. Nous passons à l'anniversaire. Nous invitons le frère Lode Seba, qui fête son anniversaire. S'il est là, il peut s'avancer. Nous l'acclamons, nous l'encourageons. Et pendant ce temps, nous invitons papa pour la suite des communiqués et la prière. Pendant que papa s'avance, nous acclamons encore une fois de plus. Ok, nous avons le frère Lode. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait son anniversaire? On va prier pour lui. Si on n'a pas donné le nom, approchez, est-ce qu'on peut encourager? Venez, venez, venez, venez. Venez, on va prier pour toi. Rock, toi aussi, dimanche passé, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi aussi. Oh, maman aussi. Caribia, Caribia. Voilà, est-ce qu'on peut les encourager? Caribia, Caribia, Caribia. Venez, venez. C'est bien. C'est bien de naître au mois de janvier, je vous assure. Qui est ma cabeça, vous allez comme Wesley, il y a Kwanza. Alléluia. Alors nous allons recommander la grâce de Dieu. Nous prions que notre Dieu soit avec eux, qu'il les soutienne et qu'il les assiste. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, merci. Ce jour, nous sommes dans la joie parce que nos frères sont dans la joie pour leur anniversaire. Je les bénis au nom puissant de Jésus parce que c'est une année d'action. Agis dans leur vie, qu'ils avancent et qu'ils réalisent de grandes choses. Je recommande à ta grâce, Seigneur. Je les bénis. Bénis-les, Seigneur. Souviens-toi d'eux dans leur vie. Seigneur, qu'ils ne manquent de rien dans tout ce qu'ils feront dans leur vie cette année qui vient. Que la grâce de Dieu les accompagne et les soutienne. Je les recommande entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que ce soit pour les encourager, les acclamer. Action de grâce. Maman Godet remercie le Seigneur pour le deuil, l'assistance lors du deuil. Maman Oyo Nashukuru Mungu kwa ajili ya usaidizi wakati alipata kilio. Et je l'ai vu, merci Maman Godet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Je vais juste insister sur quelques communiqués. 2026, nous voulons que tous les départements de l'Église fonctionnent. Dieu bénit ceux qui sont en action. Rassurez-vous que vous faites quelque chose dans l'église. Ne restez pas dans l'église sans rien faire. Il y a de la place pour tout le monde pour servir le Seigneur. Donc les mamans, il y a tous les départements des mamans. S'il y a même des départements qu'on devrait créer parce que toi tu dois faire un tel travail, on les créera. Les papas, la même chose. En tout cas, cette année, j'aimerais que le département de papa fonctionne avec des actions concrètes. Donc, les mamans restent à la fin de ce culte entre elles. Et jeudi, elles ont leur réunion. J'encourage toutes les mamans. C'est toutes, donc toutes avec S. Toutes les mamans. Restez à la fin du culte. Et toutes les mamans, n'oubliez pas de venir jeudi à 15h. Nous voulons cette année voir les choses que les mamans vont réaliser. Nous voulons que Dieu vous donne la force d'être en action et de travailler. Donc les papas aussi. En tout cas, à la fin du culte, voyez-vous quelque part à l'extérieur causer. J'aimerais que le département des papas aussi fonctionne. La JPC, nous sommes en train de faire un travail. Et très bientôt, nous allons donner des programmes. J'ai dit que vendredi, nous avons notre journée de prière à jeûne. C'est le premier jeûne de l'année. Donc, un jour janvier, moins un jour, un jeûne. Injo, siku ya kazi tano ya kwanza hii mwezi ya Januari, tutaingia maombi ya kufunga chakula. Donc ne mange pas. Pana kula. Ne bois pas. Pana kunwa. Donne-toi un objectif. Nipatie kufukuzio moyo fulani. Cette année, nous voulons agir. Mwaka tunapenda kutenda. Et Dieu va nous faire grâce. Mungu atatusaidia. Voilà les communiqués sur lesquels je voulais insister. Mais j'aimerais inviter les chefs secteurs ici devant. Napenda kualika wakuu wote wa secteur. Secteur SNCC et UCS. Secteur SNCC na UCS. L'ancien Pamphile. Mzee Pamphile. Venez ici. Kuyambele. Et Papa Noah. Na mimi pamoja. Ok, voilà les deux chefs secteurs. SNCC et UCL. Montez, montez, montez là. Regardez les gens pour qu'ils vous voient. Va à côté de Papa Pamphile. Secteur Chitourou, frère Jules. Mita Chitourou, Nindouk Jules. Secteur Quartier Mission, frère Elvis. Quartier Mission, Nindouk Elvis. Zout et 40 maisons. Olivier, il est où? J'ai vu maman Lorraine. Ah. Donc Olivier. Voilà, vous avez tous les chefs secteurs ici. Donc, les gens de quartier mission, voilà l'ancien Elvis. Elvis, c'est quoi pas? UCS. UCS. Le diacre Nora, Norbert, disons. Norbert. Dominico Apa. Nora, ou pour les intimes. Le diacre Nora. Dio Nico Palé. SNCC. Gambia SNCC. L'ancien Pamphile. Vous êtes mon bête, Ekohapa. Chitourou. Gambia Chitourou. L'ancien Jules. Vous êtes Jules Naye, Ekohapa. Quartier Zout et Centre-Ville. Quartier Zout et Centre-Ville. Le diacre Olivier. Et chez Massi Olivier. Je vous les présente pour que vous les connaissiez. Si tu as un problème, tu habites les endroits que nous avons cités. Allez les voir. C'est où les secteurs? C'est quand les secteurs? Quand on a un problème, le problème commence par le secteur. Et ça monte, à ce moment-là, l'Église peut réagir facilement. Donc c'est important que vous les connaissiez. Et je vais prier pour eux comme chef secteur. Alléluia. Ils vont se mettre à genoux. Je vais prier pour eux. Je les recommande entre tes mains. Pendant qu'ils sont en genoux, je vais demander à leurs épouses de passer aussi, parce que nous voulons vraiment travailler aussi avec les épouses. Leurs épouses, Maman Sylvie, Maman Lorraine, Maman Charlotte, Maman Esther, Ego Malari. Maman Gloria n'est pas là. Mettez-vous aussi à genoux ici. Je prie aussi pour vous parce que vous allez faire le même travail. C'est comme ça qu'on va commencer à faire. Donc vous voyez aussi les mamans. Nous les recommandons aussi au Seigneur. C'est important que la grâce de Dieu soit avec eux. Seigneur, merci. L'onction qui est sur moi est répandu sur tes serviteurs qui font le même travail dans les secteurs ainsi que sur leurs épouses. Je les recommande entre tes mains. Par ma prière, même celles qui ne sont pas là, tu l'as fait avec Moïse, que cette onction les touche là où elles sont. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je les recommande entre tes mains. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci. Que Dieu vous bénisse. Allez à votre place. Ok, c'est important. Donc, vous avez, vous savez, les secteurs, c'est chaque lundi à 17h. C'est pendant une heure seulement nous nous retrouvons dans les secteurs. Ce n'est pas toujours prêché comme à l'église, non, non. L'objectif des secteurs, c'est la communion fraternelle. La formation des serviteurs, c'est là qu'on peut former les prédicateurs, les interprètes. Vous leur donnez 10 minutes, 15 minutes. On doit connaître les situations des familles. On doit connaître les cas difficiles. Parfois, je vois les gens qui m'écrivent directement, « Papa, je suis hospitalisé. Papa, j'ai un deuil. » Oui, ce n'est pas mauvais. Je suis papa. Parfois je risque de ne pas traiter ça comme il convient. C'est mieux en cas de problème, deuil, maladie, difficulté quelconque, passer par les chefs secteurs. Et on verra avec eux comment remonter et comment résoudre le problème. La naissance passée par les secteurs. Annoncer ça au secteur. Annoncer ça au département de maternité. Et travaillons comme ça, ça va nous aider à faire le travail correctement. Amen. Amen. Les hommes adultes, on avait convenu que leur réunion, c'est le dernier samedi de chaque mois. À 15h30, donc ils ont le temps de se rappeler, pour leur réunion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Salut-le avec sourire. Avec sourire. Avec sourire, tu le salues. Tu lui souris un peu. Voilà. Qui sait si c'est le sourire qui va débloquer les choses? On ne sait jamais. J'ai cherché Maman Mukumbi aujourd'hui. Elle est où? Maman Mukumbi, elle est où? Elle est? Elle va au champ le dimanche. Dimanche, on va au champ. Ah, dimanche, on ne va pas au champ. Les jours du Seigneur, c'est les jours du Seigneur. Et c'est là qu'on mettait Dieu à l'épreuve. Amen. Amen. Ok, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une église formidable. 2026, nous allons faire de grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ceux du peuple qui connaissent leur Dieu de cette église, ils vont faire de très, très grandes choses. Nous nous tenons debout. Lève tes deux mains. Commence à remercier le Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour son amour. Merci pour les choses qu'il fait. Merci pour ta famille. Merci pour ta paix. Merci pour les projets que Dieu a avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Réussis dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les mamans ne partent pas. Toutes les mamans